Et tu me rends un poco loco, un poquitito loco. Je suis un homme amoureux qu'on ne prend plus au sérieux. Je peux m'estimer heureux d'être seulement un poco loco. Le loco.